Chapitre 7e. En somme, conclut Maurice, résumant son entretien avec sa mère, mon tort a été de prendre cette femme au sérieux. Je la jugeais fort coupable parce que je lui supposais une certaine profondeur de sentiment, une certaine consistance morale. Bref, je la croyais responsable, et il est évident qu'elle ne l'est pas. Sa contenance en face de moi vient de nous le prouver, elle n'a pas le sentiment de ce qu'elle fait. C'est une enfant et une inconsciente. Au lieu de se fâcher de sa conduite, il faut en rire. » Madame de Frémeuse n'était peut-être pas aussi convaincue que son fils de l'inconscience de leur belle voisine. Cependant, les choses prenaient après tout une tournure rassurante. La situation se détendait, et la vieille dame put retrouver la nuit suivante le sommeil qu'elle avait à peu près perdu depuis la brusque arrivée de son fils. Elle le vit donc partir sans trop d'émoi le lendemain matin pour son rendez-vous. Quelques minutes avant 10 heures, le commandant faisait son entrée dans la cour du château de la Pave, où deux chevaux tenus en main par un vieux piqueur piaffaient en mâchant leur mort. Presque aussitôt, la jeune châtelaine, sévèrement ajustée et moulée dans son costume de cheval, descendit les degrés de la terrasse, laissant sa longue jupe ondoyer derrière elle. Elle salua légèrement de la cravache. « Bonjour, monsieur, » dit-elle gaiement, et elle se mit en selle. Ils s'engagèrent alors dans l'avenue, suivis à quelques pas par le vieux domestique, et ils se trouvèrent bientôt perdus dans les labyrinthes de l'arriante campagne normande, passant des petits sentiers ombragés aux grands chemins clairs et blancs. Malgré l'extrême légèreté de sentiment que Maurice attribuait, non sans apparence, à la jeune veuve, il avait cependant cru tout à fait impossible qu'à leur première minute de tête-à-tête, elle ne fît pas au moins quelque allusion au secret qui était entre eux, et qu'elle n'essaya point quelque vague apologie de son mariage. Il s'était préparé à lui répondre sur ce point avec un respect glacial et avec l'indifférence qu'elle y apportait elle-même, bref, à la traiter comme une enfant qu'elle était. Mais cet enfant ne se hâtait pas d'aborder un sujet d'entretien si naturellement indiqué dans la circonstance. Elle n'en paraissait d'ailleurs nullement embarrassée ni préoccupée. Elle humait joyeusement les bonnes odeurs de la campagne et du printemps, coupait du bout de sa cravache le long des haies les pousses fraîches des fougères, disait des tendresses à son cheval, et laissait voir enfin tous les signes de la plus pure satisfaction intérieure. C'est que cet enfant était une femme profondément consciente de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle faisait et de ce qu'elle voulait. Elle avait joué une partie hasardeuse, elle avait obtenu un premier triomphe, elle se sentait lancée en plein dans la passion, dans l'aventure, dans le danger, dans l'inconnu, et tout ce qu'il y avait de féminin en elle palpitait de plaisir. Au milieu d'un temps de galop qu'elle avait mené avec beaucoup d'entrain, elle s'arrêta tout à coup. « Qu'y a-t-il ? » dit Maurice. « Oh, rien, » dit-elle. « Une étourderie, un oubli. Voulez-vous appeler François ?» Maurice fit signe au domestique qui s'approcha. « Mon bon François, » dit la jeune femme, « il faut que tu retournes. J'ai oublié deux lettres sur le bureau de mon petit salon. Il faut qu'elles partent par le courrier de midi. Va vite et viens nous rejoindre à la Garenne. » Pendant que le domestique s'éloignait au grand trot, Madame de la Pave reprit sa marche à côté du commandant et, après quelques minutes de silence, le regardant brusquement, « Vous m'en voulez beaucoup ?» dit-elle. Le ton était bref, sérieux et hautain. Maurice comprit aussitôt qu'il l'avait mal jugé et qu'il avait affaire à une personne très maîtresse d'elle-même et de ses actes. « Oui, madame, » dit-il gravement, « beaucoup. »« Je sais que je fais mal, » dit-elle, « très mal. » « Mais c'est vous seul qui êtes en cause. »« Moi ?»« Oui, vous. Pourquoi m'avez-vous abandonné ? Si vous étiez en effet rappelé par votre service, si vous étiez forcé de partir, et j'en doute, ne pouviez-vous pas au moins, ne deviez-vous pas m'écrire, me donner signe de vie, d'intérêt, d'affection ? Condamné à vivre sans amour, croyez-vous que je puisse également vivre sans amitié ? Eh bien, dans ma situation, je ne pouvais avoir qu'un ami sûr. Vous le saviez, je vous l'avais dit. » L'amitié d'un homme comme vous pouvait peut-être me consoler de ma destinée manquée, ou du moins j'en faisais le rêve, et vous le brisez brutalement. Vous vous sauvez, vous m'abandonnez, vous me faites ce chagrin, vous me faites cette injure, et vous voulez que je ne les ressente pas. Vous me prenez donc pour une des statues de mon jardin. Mon Dieu, monsieur, vous allez me trouver bien franche, mais si je me marie, c'est pour me venger de vous, de votre abandon, de votre mépris, de votre dureté. C'est pour vous blesser et vous affliger à mon tour, si je puis. « En cela, madame, » dit le jeune commandant avec émotion, « vous avez tout à fait réussi, car vous m'affligez profondément. » Quant aux torts que vous me reprochez, et qui sont très réels, je vais vous les expliquer avec l'absolue franchise dont vous m'avez donné l'exemple. J'ai craint simplement que le rôle d'ami et de confident ne fût trop délicat et trop dangereux auprès d'une femme aussi charmante que vous l'êtes. « Il faut saluer, je suppose ?» dit Madame de Lapave en se courbant sur le cou de son cheval, et après une pause. « Eh bien, alors » reprit-elle avec sa mine ironique, « ça va recommencer, vous allez repartir ?»« Comme vous vous mariez, » dit Maurice, « cela devient inutile. »« Ah !» dit la jeune femme, « c'est juste. » Elle fit quelques pas d'un air pensif, son corps souple suivant avec abandon les mouvements de son cheval, puis tout à coup, regardant Maurice, « Et si je ne me mariais pas ? » dit-elle. « Quoi ?» Avant que le jeune officier pût répondre à cette singulière et embarrassante question, leur tête-à-tête fut troublée subitement par l'apparition au tournant de la route d'un cavalier qui s'avançait vers eux au petit galop. « Gérard !» s'écria la jeune femme, puis elle ajouta tranquillement. « C'est une surprise. Je ne l'attendais que ce soir. Il aura pris le train de nuit. Aimable impatience. Monsieur de Frémeuse, je vous demande d'être bien, très bien pour lui. » Maurice s'inclina. Gérard de Combaleu était un grand garçon élégant et robuste, bien qu'alourdi déjà par ses habitudes de viveur nocturne. Ses traits, un peu épais et endormis, ne manquaient pas d'une certaine beauté vulgaire. C'était au moral un libertin bon enfant, un don juan de coulisses et de cabaret, d'un esprit enjoué, grossier et médiocre, du reste ne craignant pas un coup d'épée et suffisamment homme d'honneur suivant le train du monde. Madame de Lapave se porta d'un petit temps de trop devant de Gérard et lui tenda la main. « Bienvenue, cousin !» dit-elle, puis se retournant un peu sur sa selle. « Monsieur de Frémeuse, mon cousin de Combaleu. Gérard, commandant de Frémeuse, l'ami de Monsieur de Lapave. » Sur cette présentation, les deux hommes se saluèrent avec une courtoisie un peu froide. Car s'il y avait un être au monde que le commandant eût volontiers caressé du bout de sa cravache, c'était le fiancé de Madame de Lapave, et d'autre part, si bon enfant que pût être Gérard de Combaleu, il ne pouvait lui être très agréable de trouver sa fiancée se promenant dans la campagne avec un jeune officier d'une tournure remarquablement distinguée. Mais au point où en étaient les choses avec sa cousine, Gérard se regardait déjà comme marié et ne pouvait attacher à cet incident une importance sérieuse. Le léger nuage qui avait chargé son front au début de la rencontre se dissipa aux premières paroles de politesse que le commandant crut devoir lui adresser pour obéir aux ordres de Madame de Lapave. On regagna donc paisiblement le château en s'entretenant de banalités sur un ton de bonne harmonie. Comme elle mettait pied à terre avec l'aide de son fiancé, Madame de Lapave demanda à Maurice s'il voulait rester à déjeuner. Il s'excusa avec discrétion. Elle n'insista pas, et le jeune commandant reprit solitairement le chemin du prieuré. Il se contenta de dire à sa mère que la promenade, à laquelle était venu se joindre M. de Combaleu, avait été parfaitement tranquille et insignifiante, et qu'elle pouvait maintenant dormir en paix.